إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on poursuit l'explication du livre أحكام مناسك الحج والعمرة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادة الناس كالحية والعقرب والفأر والغراب والكلب العقور ولو أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون حرمته فهو شهيد. Ici le cheikh, il est bien entendu toujours en train de parler en ce qui concerne al-muhrim, celui qui est en état de sacralisation. Donc celui qui s'est mis en état de sacralisation et qui a donc commencé à voyager en direction de Mecca pour faire sa umrah, que ce soit une umrah seule ou une umrah avec le hajj, comme on l'a vu bien entendu précédemment. Donc tout ce qui va être dit ici, ça concerne les règles que doit observer minutieusement al-muhrim, celui qui est en état de sacralisation. Ici le shir nous dit qu'il est donc permis et autorisé, et bien entendu ici ça va être une exception qui va être faite, parce qu'on a vu auparavant que al-muhrim, il lui était strictement interdit de chasser le gibier. On avait expliqué cela, on avait porté également les preuves de la sunna. Et ici, il va nous dire donc une exception. Il va nous citer ici une exception. Il lui est permis, pour ce qui est du muhrim, de tuer ce qui est généralement offensif, qui est de nature offensif parmi les animaux. Il va nous en citer 5. Il va dire kalhayya wal aqrab wal fa'ara wal ghurab wal kalb al aqur. Donc ici ce qui nous cite le shir, c'est en réalité pris d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith Muttafaqun alayh, rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim dans leur authentique. Hadith qui a plusieurs versions. Et où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, yaqul, Khamsun fawasiq yuqtulna fil hilli wal haram. Yuqtulna fil hilli wal haram. C'est-à-dire ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va nous dire 5. 5, sous-entendu ici, des animaux. Ce qui rentre dans la catégorie des animaux. Il va leur donner un caractéristique. Il va les citer comme étant des fawasiq. Fawasiq, qui est le pluriel de fasiq. Et al-fasiq, qui vient bien entendu du terme al-fisq. Et al-fisq, qui est dans la langue arabe, veut dire al-khuruj. Qui veut dire al-khuruj, le fait de sortir. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit dans son Coran, fafasaqa an amri rabbihi. C'est-à-dire donc qu'il est sorti de l'ordre de son Seigneur, qu'il était à l'encontre de l'ordre de son Seigneur. C'est pour ça que ici al-fisq, c'est al-khuruj an ta'atillah azza wa jal. Al-khuruj an ta'atillah azza wa jal. C'est donc le fait de sortir de l'obéissance d'Allah azza wa jal pour rejoindre la désobéissance. Ça donc, au niveau de la langue, on appelle al-fisq. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici les a nommés fawasiq. Et les savants, pour les 5 qui ont été cités, et même les 6. Pourquoi on dit les 6? Car il y a dans une des versions de l'imam al-Bukhari, une version authentique donc, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va citer un animal en plus. Donc dans cette version du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a cité al-ghurab, al-hida'a, al-aqrab, al-fa'ra, wal-kalb, al-aqour. Et dans une des versions de l'imam al-Bukhari, al-hayya. Donc ici on voit qu'il y en a 6. Et dans une autre version, pour ce qui est de al-ghurab, quyida bi al-abqa', al-abqa'. On va revenir à tous ces termes, car il est important de le savoir. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit yuqtalna fil hill wal haram, c'est-à-dire qu'il nous est permis de tuer ces animaux qu'on soit en état d'ihram ou alors qu'on soit en état normal, qu'on n'est pas en état de sacralisation. Dans tous les cas donc, il nous est permis de tuer ces animaux. Al-ghurab, al-ghurab qui est donc le corbeau. Et dans une version, comme on l'a dit, il est cité al-abqa'. Al-abqa', c'est celui qui a un blanc, bayadun fi dhahri aw batni, qui a donc une trache blanche ou un trait blanc sur son dos ou alors sous son ventre. Ça, c'est pour le corbeau, qui lui permet donc de tuer à tout instant, même si on est en état d'ihram. Ensuite, al-hida'a, qui est une sorte d'oiseau également. Ensuite, al-aqrab. Al-aqrab, qui est bien entendu le scorpion. Ensuite, al-fa'ara. Al-fa'ara, qui est le rat. Et ensuite, al-kalb, al-aqour, qui est ici le chien. Mais il a une caractéristique, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a cité, al-aqour, al-kalb, al-aqour. Et les savants, ils vont diverger pour ce qui est de al-kalb, al-aqour. Certains, ils ont dit que c'est en réalité l'Assad, c'est-à-dire ici Bimarna al-Assad, qui est le lion. Pourquoi cela? Parce qu'ils vont revenir à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé le lion comme le chien. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a invoqué, il a fait une invocation contre Utba ibn Abi Lahab, بأن يسلط الله عليه كلبا من كلابه فقتله الأسد. Il a fait une dua, le prophète sallam, contre Utba, et cette dua, il a demandé à Allah Azzawajal de lui envoyer un chien parmi ses chiens. كلبا من كلابه فاستجاب الله Azzawajal دعاءه. Il lui a donc, il a répondu subhanahu wa ta'ala à sa demande. C'est un lion qui a tué Utba. Et d'autres savants qui ont dit non, c'est bel et bien le Al-Kalb, c'est-à-dire le chien qui est connu, que tout le monde connaît. Et ici, Sifat Al-Aqour, Bimarna, الذي يتعدي على الناس, c'est-à-dire donc celui qui attaque les gens. Celui qui a soit pour nature d'attaquer les gens, ou alors qui va à un moment attaquer des gens, soit par une maladie ou autre. À la kulli hal, ici, Al-Maqsoud, c'est celui qui attaque les gens. C'est la parole de beaucoup de savants. Donc, c'est plus général. Et on va voir que le shir, ici, et dans ce livre, on va comprendre donc un tout petit peu plus loin, lorsqu'il va nous parler de Al-Assad, on va comprendre qu'il ne fait pas entrer lui Al-Assad, non Al-Kalb, Al-Aqour. Les savants, ils ont divergé. Ils ont dit est-ce qu'on se limite à ces 5 ou alors à ces 6. Comme dans la version de Al-Bukhari, donc Al-Hayya, qui est bien entendu le serpent, qui est le serpent. Donc, ici pour récapituler, Al-Ghurab, qui est le corbeau, et dans une version, il est venu Al-Ghurab, Al-Abqa, donc celui qui est traîné, ou un trait blanc sur le dessus ou sous le dessous, Al-Hida, qui est une sorte d'oiseau, Al-Aqrab, qui est le scorpion, Al-Fa'ar. Al-Fa'ar, qui est le rat, ou Al-Kalb Al-Aqour, qui est donc le chien menaçant, le chien donc qui attaque autrui, qui attaque les gens. Ils ont dit pour ce qui est de Al-Ghurab, il est connu annahu yufsid al-thimar. Al-Ghurab, il est connu donc qu'il détériore les cultures et également les fruits. Pour ce qui est d'Al-Hida, il est connu qu'il vole les habits et qu'il vole également les bijoux. Pour ce qui est de l'aqrab, tout le monde sait donc qu'il est dangereux parce qu'il pique et que lorsqu'il injecte son venin, il peut advenir mort par suite donc de piqûre. Al-fa'ara, car on sait que al-fa'ara, en plus donc qu'il traîne des maladies, on sait qu'il ronge et qu'il sème la pagaille là où il est. Et bien entendu al-kalb al-aqour, parce qu'il attaque les gens. De même al-hayya, bien entendu, pour ce qui est du serpent, qui pique une morsure de serpent, ça peut être fatal donc pour l'homme. Donc ça c'est pour ce qui est du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit de tuer ces cinq, ce qu'il a nommé fawasiq, donc que l'on traduit par pervers, on a vu le sens, que ce soit en état d'ihram, qu'on soit en état d'ihram ou non. Donc dans tous les cas. Naam, pour revenir, ici à titre de faïda, pour revenir à la parole des savants, sur l'explication du hadith, certains savants ont dit on doit se limiter à ce qui était cité dans le hadith, comme l'imam Abu Hanifa, qui a lui uniquement fait rentrer Al-Dhib, qui a fait rentrer donc Al-Dhib, qui est le loup, parce qu'il rentre Fimarna Al-Kalb Al-Aqour. Et d'autres qui ont dit non, on ne se limite pas à ces cinq, mais tout ce qui va ressembler à ces cinq, alors on les met dans le même sac. Et ils prennent donc le même hukm. Et parmi eux, ceux qui ont divergé sur Al-Illa, c'est-à-dire donc ou la cause qui va faire que l'on fait rejoindre des animaux à ces animaux-là, les cinq pervers. Parmi ceux qui ont dit que tout ce que l'on ne mange pas, qui n'est pas interdit de tuer, alors il est permis, pour ce qui est du Al-Muhrim, de le tuer. Et que ça ne rentre pas donc dans Marna Al-Istiyad, le fait de tuer le gibier, ou de chasser le gibier. Et que ça rentre dans ce hadith. Et ça, c'est l'imam Shafiri, rahimallah. Et d'autres qui ont dit, comme cause, tout ce qui va être, qui va porter préjudice à l'homme, qui va être de nature offensive, alors on le fait rejoindre, ces sortes d'animaux, aux cinq qui ont été cités dans le hadith. Et ça, c'est la parole de l'imam Malik, rahmatullah ala al-jami'a. À la kulli hal, ici donc, et ce que va nous citer ensuite le shir, c'est que tout ce qui va être offensif et qui peut porter préjudice à l'homme, alors il lui est permis de le tuer, qu'il soit donc muhrim, en état de sacralisation, il n'y a pas de mal pour cela. C'est pour ça qu'il va dire ensuite walau an yadfa'a ma yu'dhihi min al-adamiyyin wal-baha'im. Et même il va nous dire le shir, même pour ce qui est des hommes, il va nous dire hatta law sala alayhi, c'est-à-dire ici law sala alayhi, si par exemple une personne se jette avec fureur sur nous, حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله. C'est-à-dire si une personne se jette sur nous et qui nous veut du mal et qu'on ne peut se séparer de lui uniquement en le combattant et peut-être donc en le tuant, alors le shir nous dit alors il le fait, il n'y a pas de mal à cela. Donc ici bien entendu ça rentre dans la légitime défense. Il va nous rappeler le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون حرمته فهو شهيد. Et c'est un hadith qui est rapporté dans cette version par l'imam Abu Daoud ou l'imam Tirmidhi, les gars, également l'imam Ahmed, min hadith Sa'id ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhu. Et c'est un hadith qui est authentique, authentifié par Cheikh Al-Albani fi Sahih Al-Jami' Al-Saghir. Et donc dans ce hadith on comprend de manière claire que la personne qui se défend pour défendre son bien ou alors pour défendre son honneur ou alors pour défendre sa religion ou alors pour défendre sa propre personne, son sang, et qu'il meurt donc, alors cette personne là meurt shahid, il meurt donc martyr. Ensuite il nous dit le shir, wa idha qarasathu al baraghith wal qumal falaw ilqa'uha anhu wa lahu qatluha wa la shay'a alayh wa ilqa'uha ahwan min qatliha وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله وإن كان في نفسه محرما كالأسد والفهد فإذا قتله فلا جزاء عليه في أظهر قولي العلماء وأما التفلي بدون التأذي فهو من الترفه فلا يفعله ولو فعله فلا شيء عليه. Ici donc, il nous dit le Cheikh, pour ce qui est de Al-Bara'ith, qui est le plural de Burghouth, c'est tout simplement les puces. Les puces, de même pour ce qui est d'Al-Qummal, c'est les poux. Donc les puces, les poux, tout ce qui rentre donc dans cette catégorie. Il nous dit le Cheikh, lorsqu'on est, on est en état d'Ihram, bien entendu, alors il nous est tout à fait permis de les faire sortir, de les rejeter de notre corps. Il nous est permis également de les tuer. Wala shay'a alayhi, c'est-à-dire que on n'a rien, rien à observer comme expression ou autre. Et il nous dit waliqa'uha ahwanu min qatliha, il est préférable donc de uniquement les jeter que de les tuer. Il nous dit de même ce qui pourrait se mettre en travers de sa route parmi donc les animaux, comme par exemple le lion, comme par exemple al-fahd, le léopard, et tout ce qui rentre donc dans cette catégorie d'animaux. Il nous dit donc qu'il ne nous est pas permis, on comprend de sa parole, qu'il ne nous est pas permis donc de les tuer, ibtida'an, c'est-à-dire qu'il ne nous est pas permis de les tuer en commençant, sans qu'ils nous aient attaqué ou fait quoi que ce soit. S'ils ne nous attaquent pas et nous font quoi que ce soit, et qu'on n'est pas donc à se mettre en légitime défense, alors on n'a pas à les tuer. C'est ce que nous dit le shir ici. Et donc, à ce moment-là, on va voir que lui ne fait pas rentrer dans Kalb al-Aqour, ou alors qu'il ne comprend pas que Marnak al-Kalb al-Aqour, que c'est elle, que c'est l'Assad, de par donc sa parole. Faïda qatalahu, fala jaza'a alayhi, fi adhari qawlay al-ulama. C'est-à-dire donc, s'il tuait un de ces animaux, dans le cas où il le tuait, à la kulli hal, il n'aura rien. C'est-à-dire, il n'aura pas d'expiation, rien du tout. Pour ce qui est de la parole la plus forte parmi les savants. Ici, bien entendu, yushir il-irtilaf, c'est-à-dire qu'il va nous indiquer qu'il y a une divergence, mais que la parole qui est la plus apparente, c'est-à-dire la plus forte, c'est qu'il n'a rien à faire. Il ne lui est rien demandé s'il tue ces sortes d'animaux à ce moment-là. Wa amma tafali, donc ici le murad bi tafali, c'est tout ce qui rentre dans les insectes comme un naml, par exemple les fourmis, etc. Il nous dit, celles qui ne nous font pas de mal, alors on n'a absolument rien à leur faire. Tayyib. Par contre, si on faisait quelque chose, c'est-à-dire s'il le tuait ou alors il...